Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Populisme et nationalisme ». Ça y est, c'est reparti. Chaque fois qu'un mouvement d'extrême droite fait parler de lui, comme récemment en Suède, et en particulier à l'occasion d'élections, les médias le dénomment « populiste ». Le terme n'est pas neutre. Il permet entre autres de légitimer l'action de partis xénophobes et nationalistes et de masquer ses agissements dans le milieu social. Le terme « populisme » caractérisait, il n'y a pas si longtemps, un mouvement littéraire qui cherche, dans les romans, à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple. Sa définition d'ailleurs du petit Robert. Comment cette définition du populisme a-t-elle été détournée pour arriver à qualifier les partis d'extrême droite de populistes? N'était-ce pas dans l'objectif de banaliser le nationalisme, le racisme, la xénophobie, le fascisme, voire légitimer des processus politiques antidémocratiques qui combattent également les idées humanistes? Dans le mot populisme, il y a une référence au peuple, comme si ces mouvements émanaient spontanément du peuple et que les partis d'extrême droite représentaient le mieux le peuple. Aussi, qualifier de populistes les partis qui remportent des parts de marché électoraux presque partout en Europe est une insulte au peuple et aux philosophes humanistes. Déjà, des partis de droite s'étaient arrogés le droit de s'appeler parti populaire, prenant ainsi à contresens ces partis de gauche, alors qu'ils représentent toujours, encore, essentiellement la droite des classes privilégiées dans leur pays. Les médias et chroniqueurs politiques devraient faire preuve davantage de discernement pour les labels « populisme » à ces partis qui avancent à peine masqués et marquent de plus en plus de points dans une opinion politique trompée par des messages politiques plus que contestables dans leur contenu et leur idéologie. Parce qu'il y a bien sûr une idéologie sous-jacente. Les contre-vérités et les mensonges plus ou moins véhiculés par ces mouvements sont hélas relayés par les médias et certains partis politiques de droite et du centre-droit. C'est un jeu politique dangereux dont les gouvernements européens ont tiré parti pour développer une politique anti-migrant. Loin de lutter contre cette idéologie qui a fait tant de mal dans le passé récent, nos gouvernants, y compris ceux de l'Europe, s'ingénient à prendre pour alibi la montée de l'extrême droite pour refouler les réfugiés. Malgré les traités internationaux, faut-il souligner, on en parle peu, qui ont été signés par ces pays, par les pays européens, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, refuser d'accueillir des réfugiés en danger de mort, dont des femmes et des enfants, viole le droit international. Il y a plus grave, nos gouvernements, la plupart des médias, ont banalisé l'horreur et ne s'en servent pas pour combattre les thèses de l'extrême droite sur l'immigration. Car enfin, qui peut oublier ces milliers de morts générées par des embarcations de fortune en Méditerranée, ces maltraitances dans les camps libyens ou le parcage comme du bétail dans d'autres camps en Turquie ou ailleurs, dans des conditions indignes. Qui peut oublier les alarmes de Médecins du Monde ou autres ONG qui essayent tant bien que mal, de venir au secours de tous ces malheureux, déracinés par les guerres, les conflits ethniques ou simplement la misère et la famine. Le XXe siècle a été caractérisé par une catastrophe planétaire engendrée par les nationalisme et le racisme. Sommes-nous prêts à réécrire la même histoire au début du XXIe siècle? L'Europe des peuples ouvertes pouvait être une chance. Elle est gâchée par la montée en puissance des nationalismes qui s'appuient sur un néofascisme rampant qui divise les communautés, la communauté européenne. Il ne peut y avoir de cohérence européenne en sacrifiant le social et l'humanisme. Il ne peut y avoir d'unité européenne durable dans un contexte de néolibéralisme débridé qui privilégie l'économique au détriment des valeurs que l'on peut qualifier d'humanistes qui ont présidé à la construction de l'Europe. Certains gouvernants jouent là encore un jeu dangereux, laissant se développer les partis d'extrême droite par manque de courage politique, les encourageant à prendre toute leur place dans la vie des nations. D'autres espèrent en tirer bénéfice pour rester au pouvoir en divisant la société entre néolibéraux et néofascistes. Et les médias surfent sur la vague xénophobe pour favoriser le maintien d'une droite soutenue par le pouvoir économique. De plus en plus détestée, cette droite, par les classes populaires, à qui l'extrême droite fait valoir une marchandise nauséabonde. Ces médias, à la botte de la politique de la droite et du pouvoir économique, n'hésitent pas à mettre dans le même sac l'extrême droite et la gauche qualifiée, elle aussi, de populiste. C'est une manière de brouiller les cartes et de laisser au pouvoir une droite qui taille dans le social et divise les couches de la société dite populaire, avec pour seule issue de choisir à terme entre le pire et le moins pire. Belle perspective pour le peuple, pour les peuples manipulés par des idéologies que l'on croyait périmées, mais qui réapparaissent de plus en plus, de plus en plus fort à l'occasion de chaque crise économique. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée, si vous le voulez bien. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.